Je sais, trop souvent je t'ai manqué de respect. Combien de fois je t'ai menti, combien de fois je t'ai trahi, car je ne sais pas qui t'es. Je sais, nous n'avons pas tous eu les mêmes chances, les mêmes angoisses, les mêmes souffrances. Ici tout se négocie, tout s'achète, même le silence. Je sais, pertinemment que tout ira mieux quand on parlera avec le cœur, car avec le temps tout s'en va, même les vieilles rancœurs. Je sais combien de fois j'ai fait preuve de lâcheté, combien de fois j'ai voulu t'acheter, toi qui n'avais que ta joie à revendre. J'essaie de comprendre, mais quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Je marche dans la nuit seul. Quel est mon rôle? Clair comme à travers les vers de Stevie Wonder, ils profitent tous de ta bonne humeur. T'as toujours donné avec le cœur, car je sais qui t'es. Je sais, né dans un monde où tout se calcule, tu donnes sans avance, sans recul. T'aimerais enfin trouver le bon chemin, celui des gens bien. Je sais combien de fois ils t'ont déçu, et toi combien de fois tu t'es tu, combien de fois ils t'ont marché dessus, car ils ne savent pas qui t'es. Mais je sais, ils ont souvent fait preuve de lâcheté, combien de fois ils ont voulu t'acheter, avec ta solitude à revendre. J'essaie de comprendre, mais quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Je marche dans la nuit seul. Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Je marche dans la nuit seul. Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Yeah. Quels sont nos rôles? Yeah. Ben voilà. Voilà mon aller-retour. Yeah.